Quand on veut se payer une bonne bouffe, le restaurant Midas est la solution. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs, menu à la carte qui comble tous les budgets. Le restaurant Midas au 1084 route 109 à Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88 679-0900. Toute notre équipe souhaite la meilleure des chances aux organisateurs et aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Félicien. Pendant la belle saison, il survient parfois des avaries, comme l'infiltration d'eau. Pour tous travaux de construction ou rénovation après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS, de vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence 24 heures sur 24, nettoyeurs d'air et de conduite de ventilation. Pour rejoindre les pros de ProNet, 418-679-4178. Monsieur Régent Côté souhaite la meilleure des chances aux équipes qui participent au championnat québécois de vélo de montagne, ainsi qu'à la Coupe du Québec de vélo de montagne. Participez en grand nombre au Saint-Prime Open qui se déroulera cette année du 19 au 20 juillet au club de golf de Saint-Prime. Ayez la chance de jouer la mafia d'ouverture du 19 juillet ou le Saint-Prime Open Formule Vegas à 4 joueurs. Pour plus de détails, visitez la page Facebook du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean ou contactez Roger Caron au 251-2831 poste 27. Ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé, il ne pouvait pas nous parler au cours des derniers jours, mais des dernières semaines, mais je suis content de le revoir, c'est Bruno Boudreau. Salut Bruno! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Bruno, match des étoiles en fin de semaine, concours des coups de circuit, match des espoirs aussi. Moi j'aime toujours ça, ce match qui est présenté le dimanche après-midi, ça ouvre un petit peu les festivités du match des étoiles. Ça c'est l'année passée on avait vu Vladimir Guerrero. Cette année c'est Beau Bichette, un autre joueur qui va représenter les Jays, ainsi que Danny Jensen qui est un receveur qui joue à Buffalo. Ce match des étoiles là, écoute, on dit que c'est le meilleur match des étoiles de tous les sports. Il y a peut-être celui de la MLS que j'aime beaucoup parce que c'est un match entre les étoiles de la MLS puis des étoiles ou encore les équipes européennes. Mais le match des étoiles du baseball, ça reste toujours un match des étoiles du baseball. Oui. Et même si dans les dernières années, il y a de plus en plus de matchs interligues et tout, ça reste qu'il y a toujours le cachet des deux ligues qui s'affrontent. Puis tu l'as dit, ce qui fait la différence avec les autres matchs des étoiles, c'est vraiment le fait que le sport est très, très proche de l'original. Mis à part qu'il y a beaucoup de lanceurs qui passent. Pour le reste, c'est pas mal le même match. Les joueurs vont fournir le même effort. Puis souvent, on assiste à des matchs très souvent à bas pointage parce qu'on a tellement des bons lanceurs qui sont dans les matchs. Fait que ça donne des matchs aussi qui sont souvent serrés. Et j'aime bien aussi du côté de la MLS le fait qu'on a une équipe exemple de l'Europe qui va venir, le Real Madrid ou autre, et on va assembler une équipe d'étoiles. Donc encore une fois, ce qui fait la différence dans le fond, c'est la compétition. T'sais, dans le fond, au hockey, on essaie de faire un peu de compétition en mettant les divisions contre. On a toutes sortes de formats. Ça lève pas vraiment parce qu'on enlève l'aspect physique du hockey puis on dénature le sport. Dès que tu le dénatures pas, comme le match des étoiles de la MLS ou celui du baseball, ben c'est certain que ça produit un spectacle qui est plus intéressant. OK. Donc, on n'a pas annoncé vraiment. Donc, cette année, chez les Blue Jays, il y a un seul joueur, c'est J.A.T., qui connaît quand même des ratés depuis quelques temps. Je marquais 14,04 sa moyenne de priorité à ses deux derniers départs. Ça va être intéressant de voir. C'est sûr qu'on voit qu'il y a certaines équipes qui veulent obtenir. Les Yankees sont dans le portrait. Les Red Sox, on apprenait que les Red Sox étaient également. Donc, c'est ça pour le match étoile. Pour les concours des coups de circuit, toi, t'aimes ça, toi? Oui, ben c'est une compétition qui, à chaque année, donne un bon spectacle. Quand j'ai regardé un petit peu cette semaine l'alignement, je vais dire ça comme ça, puis on n'entend pas beaucoup parler cette année. Puis je pense parce qu'on manque un peu de star power, il manque de vedettes dans ce concours de coups de circuit-là. C'est sûr que la grosse vedette, c'est Bryce Harper, puis on y viendra un peu plus tard, mais Harper, lui, qui avait déclaré en 2015 qu'il ne ferait pas d'autres concours de circuit avant lui, cette année au stade des Nationals. Donc lui, il avait décidé qu'il n'en ferait pas d'autres jusqu'à temps qu'il s'en revienne à Washington, le match des étoiles. Et quand tu regardes pour le reste, oui, il y a des bons joueurs là-dedans. Alex Bregman, il est là du côté des Astros. On a Freddie Freeman, qui est peut-être le meilleur joueur de la Nationale cette année avec les Braves d'Atlanta. Mais ça manque les Stanton, ça manque les Aaron Judge, l'affrontement qu'on a vu l'an passé entre les deux. C'est ça que les partisans veulent voir. Et c'est surprenant que ces joueurs-là ne fassent pas partie du concours. Pas que les autres n'ont pas leur place là. Je pense entre autres aussi à Rice Hoskins avec les Phillies de Philadelphie. C'est un jeune frappeur, frappe la balle avec autorité. C'est pas que le spectacle que les joueurs vont donner sera pas intéressant. C'est juste que ça manque la puissance des vedettes là, qui sont pas là. Et Will Harper, il est là. Il n'y a pas une très grande saison, mais ça reste le point d'ancrage de ce concours de circuit. Sinon, pour le reste, ben, c'est des joueurs intéressants, mais ça, il manque quand même les gros noms. OK. Puisque tu parles de Bryce Harper, il frappe pour 200. Ben, je sais pas c'est quoi sa dernière moyenne. La dernière fois que j'ai vérifié, il frappait autour de 220 à peu près. Il est joueur autonome à la fin de l'année. Tu parles d'une mauvaise saison. Tu sais comment que les joueurs autonomes, je pense que ça va être une tendance. Les équipes ne voudront pas donner des gros contrats à long terme. C'est une mauvaise année pour avoir une mauvaise année, hein, surtout quand tu es joueur autonome. Oui, puis Harper, en plus, cette saison ne semble pas être affligé par des blessures. T'sais, par les saisons passées, il a déjà été blessé au genou. Mm. Il avait été blessé à l'épaule après son année de joueur par excellence, il avait ralenti. Donc, c'est un joueur qui, au moins cette année, démontre la santé sur le terrain. Fait que les équipes qui vont peut-être vouloir s'offrir à ce joueur-là à long terme vont être capables un peu plus de penser que physiquement, il va être correct. Sauf que ça reste qu'il n'est pas là. La moyenne n'est pas là. Oui, il frappe des circuits quand même, mais il y a aussi un nombre de rétro-bâtons très élevé. Il était à 101 rétro-bâtons. Cheval Malapo devant les étoiles, il est en route pour quelque part entre 160 et 170, ce serait sa pire saison en carrière. Puis c'est sûr qu'il y a une tendance, on en a parlé souvent, Dan, les circuits sont à la hausse, pas les circuits, mais les rétro-bâtons sont à la hausse dans le baseball majeur. Sauf que pour un joueur vedette comme ça, quand tu viens pour aller offrir un contrat, parce que les chiffres, là, on en parlait au début de la saison, hein, peut-être 400 millions sur 10 ans, on avait même avancé jusqu'à ce montant-là. Là, je pense que ça a un petit peu calmé le jeu. Il y a beaucoup de détracteurs de Bryce Harper aussi. On dit qu'il est égocentrique. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments autour du joueur là, qui ont été controversés au cours des dernières années. Fait que si la performance sur le terrain ne se replace pas en deuxième moitié de saison, il y aura quand même son gros contrat. Mais est-ce qu'il ira chercher puis devenir le premier athlète à avoir un contrat de 400 millions là, pour la durée? Je pense pas qu'il se rende jusque-là. La durée, c'est surtout ça, je pense, que la durée du contrat. C'est ça qu'on a vu cette année, c'est que la durée des contrats n'était pas là. Bruno, les A's d'Oakland, c'est que t'en penses? Ils sont incroyables. Une jeune équipe avec, encore une fois, des méconnus. Ils ont gagné leur série à Houston. Ils n'ont pas battu n'importe qui, les Astros de Houston, là. Et je pense qu'ils ont quoi, 17 victoires. En tout cas, dans les 20 derniers matchs, ils ont quelque chose comme 16 victoires. C'est incroyable, là, ce qui se passe à Oakland. Oui, 18 victoires à leurs 22 derniers matchs. Hey. Écoute, c'est une séquence incroyable. Puis moi, j'aime beaucoup les A's. C'est une équipe que j'ai toujours bien appréciée depuis peut-être une vingtaine d'années là, que je les suis. Puis cette année, au début de l'année, ça a été un petit peu difficile au sortir du début de saison. Puis on se dit, bon, ça risque d'être une année encore difficile, puis la reconstruction continuelle qui se poursuit avec Oakland. Là, ils se sont replacés drôlement avec cette séquence-là. Fait que c'est le genre de séquence-là qu'on se souvient l'année passée aussi, les Jays en avaient eu une pour se donner une chance. Cette année, c'est ce qu'ils n'ont pas été capables de faire à un moment donné, d'avoir une grosse séquence juste pour se remettre dans le coup. Et là, du côté des A's, ben, c'est peut-être l'équipe qui est la plus loin en ce moment là, dans la Ligue américaine. On regarde le classement, on voit là, vraiment, il y a deux blocs d'équipes. Tu as les équipes de tête comme les Yankees et les Red Sox qui n'arrêtent pas de gagner puis qui continuent puis qui vont s'en aller comme un train jusqu'à la fin. Je peux inclure là-dedans aussi Houston puis même Cleveland dans leur division. Là, c'est assez facile, même si elles ont de moins bonnes fiches, par exemple, qu'Oakland. Sauf qu'après ça, il va rester vraiment deux, trois clubs qui pourraient se battre pour cette place-là. Il y a les Mariners de Seattle qui sont devant les A's, mais qui connaissent des ennuis là, dans leurs 20 derniers matchs et non seulement signé que 10 victoires. Donc, les A's se placent dans une position pour peut-être tenter quelque chose, ce soit un échange ou deux. On l'a déjà vu les dernières années, je me souviens, en 2014 ou 2015, les A's avaient fait l'acquisition de John Lester à la date limite des transactions. Et c'est Lester qui avait lancé le match de meilleur deuxième face aux Royals de Kansas City. Un match qu'Oakland met 7-4 avant de s'effondrer en fin de rencontre. Mais c'est le genre de manœuvre qui avait permis aux A's de continuer le push de fin de saison puis de participer aux séries. Et ça serait pas surprenant, dépendant de ce que les propriétaires vont faire. C'est toujours la question. Je pense que Billy Bean va peut-être vouloir y aller. Est-ce qu'on lui donnera de la flexibilité financière pour essayer quelque chose? On verra. Mais c'est certain que tu peux pas... C'est un peu, on fait le parallèle parce que c'est la Coupe du Monde en ce moment. C'est un peu comme l'Angleterre. On disait, c'est une équipe jeune, puis ils vont avoir une autre chance en 2022, puis ça va être beau, puis tout ça. Mais la réalité, c'est qu'ils étaient en demi-finale cette semaine, puis il aurait fallu qu'ils gagnent là pour aller en finale. Ben oui. Et tu sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans. Puis les A's, ça fait des années qu'ils essaient quelque chose, et à chaque fois, ça leur donne une possibilité. C'est pas une équipe qui va être capable d'être bonne pour 2 ou 3 ou 4 ans. C'est tellement fragile. Ils ont tellement pas d'argent pour aller chercher des joueurs pour complémenter les jeunes. c'est très difficile pour eux de garder un noyau comme les Astros peuvent faire en ce moment, par exemple. Donc, les Ace, c'est quand ça passe, faut que tu sautes dans le train. Puis moi, je pense que le train, il est là, donc c'est le temps d'essayer. OK. Je te n'ai pas parlé en dehors des ondes, parce qu'on se parle toujours en dehors des ondes, mais c'est un sujet quand même facile. As-tu rempli le sondage sur le retour des expos? J'avais été voir les questions qui avaient été posées, mais pas le restant qui a été sorti cette semaine. OK, pas le restant. Moi, j'en ai rempli un peu. J'ai trouvé ça long. Je vais le reprendre en fin de semaine. Il y a quand même... Pour toi, là, c'est-tu important le retour des la prochaine équipe s'appelle les Expos? Ben, j'ai vu ta question cette semaine. Ouais. Je vois que c'était une question qui était... Ben, c'est une question qui est pertinente. Est-ce que c'était... Tu sais, je me rabats beaucoup sur le cas des Jets. Je trouve que les Jets ont été vraiment capables de... Ils ont gardé leur nom original à Winnipeg, mais ils ont changé leur uniforme pour justement peut-être s'adapter un peu plus à la réalité. Puis d'une fois de temps en temps, ils ramènent leur vieux logo, soit dans leurs activités promotionnelles ou autres. Puis je pense que j'ai un peu la même image avec les Expos, puis je dirais la même chose même avec les Nordiques de Québec si un jour les Nordiques reviennent. Ouais. Les Nordiques n'auront pas le chandail bleu, et blanc. Là, ils auraient probablement changé le logo, auraient probablement changé deux, trois fois là, depuis 95. Hein. Ben c'est ça, exact. Puis du côté des Expos, c'est un peu la même chose. Puis je trouve que l'ancien logo, j'ai une chemise là des Expos des années 80 que je trouve très belle, puis que je trouve qu'il a encore sa place. Mais il y a comme une mode où que ça pourrait être un troisième chandail, par exemple. Donc le nom, oui, mais après ça, le logo puis le reste de la marchandise, on peut partir sur des bases neuves, s'inspirer de vers où on veut aller. Puis on peut garder après ça tout cet souvenir du passé. Puis je trouve que les Jets l'ont vraiment bien fait. Je regardais un peu du côté de Winnipeg. Quand tu regardais un match des séries, tu regardes toutes les estrades étaient en blanc. Tu avais beaucoup, beaucoup de gilets blancs de la nouvelle génération. Et tu avais quand même quelques gilets blancs original au travers. Et ça se mariait très bien. Donc, je pense que c'est un peu l'approche que je verrais là-dedans. Mais le nom, pour moi, c'est important. C'est l'héritage qui est là. C'est le premier 36 ans de l'organisation à Montréal. Puis, il y a toute cette histoire-là sur laquelle tu peux t'appuyer par la suite. Par contre, les gens disent, oui, mais ça a mal fini. Mais il n'y a pas eu des mauvais souvenirs. Là. Les années 80, les Expos, c'était... Tu sais, quelque part, là, les Carter, les Dawson, les Reigns, et ainsi de suite. Il n'y a pas que des mauvais souvenirs à Montréal. En terminant, tu voulais me parler de la finale de la Coupe du Monde. J'ai fait une belle table ronde tantôt avec Jean Gounel de RDS et Francis Millien. France-Croatie, comment tu vois ça? Ben écoute, je trouve ça intéressant que tu me laisses l'occasion qu'on en parle 2-3 minutes parce que ça arrive aux 4 ans. C'est pas que, honnêtement, je ne ferai pas de cachette. Là, j'écoute pas le soccer à l'année longue. J'écoute souvent les grands tournois internationaux, puis je trouve ça bien ben intéressant de regarder ça. Je parlais tantôt de l'Angleterre, la Croatie dans ce match de demi-finale-là, tout le monde disait qu'elle manquerait de ressources, qu'elle manquerait d'énergie, et finalement, quand les Anglais ont vraiment passé à côté du moment, quand ils ont décidé qu'ils allaient commencer plus à après leur but, là, vraiment à regarder un peu plus le jeu, puis à être beaucoup plus passif dans le match, et France-Croatie, pour la finale, écoute, je vois pas comment la France peut échapper ce match-là. Je me souviens à l'Euro 2016, la France qui jouait dans son stade, qui avait joué contre le Portugal et qui avait joué une finale, je vais dire, un peu nerveuse, entre guillemets, là, où il y avait eu vraiment la pression du moment devant les partisans, puis il n'avait pas été capable de livrer ce que la génération Zidane avait fait en 98 à la Coupe du Monde. Puis moi, je me souviens dans les premiers tournois que j'ai beaucoup suivis, la Coupe du Monde 98 avec la victoire de la France. Puis quand je regarde 20 ans plus tard l'équipe qui est sur le terrain, c'est pas les mêmes personnalités, c'est pas aussi flamboyant, c'est pas que des Zidane et compagnie. Par contre, mais le talent, il est là d'un bout à l'autre de l'équipe. Par contre, t'as un gars qui s'appelle Didier Deschamps, qui semble avoir qui était là en 98, qui semble avoir une main de velours, c'est ça l'expression là sur son équipe. Parce qu'à quelque part, écoute, ce qu'on a reproché aux Français par les années passées, c'était que les Français, il y avait pas de chimie. Il y avait beaucoup de gros égos dans cette équipe-là. Et là, cette année, moi, j'écoute les lignes ouvertes en France actuellement. Je peux te dire, en effet, on n'entend pas parler d'histoire, de grosses histoires. L'équipe semble vraiment soudée. Puis faut ça, à quelque part, quand tu as des gros égos, Bruno, il faut que tu rendes crédit à l'entraîneur qui est capable de tout gérer ça, là. Oui, puis c'est pas comme le foot de club, là. Tu sais, le club, tu vas assembler ton équipe, tu as des gens que tu vas faire venir, tu vas faire signer les contrats, puis c'est comme un peu n'importe quel sport professionnel. Ouais. Quand tu arrives avec des équipes nationales, là, il faut que tu sois capable d'aller placer ça de côté, puis on se souvient année, il y a 2 ou 3 ans, je me souviens plus du joueur français qui est plus dans l'équipe là maintenant. Il y a eu beaucoup de scandales aussi, justement, Thierry sur Henry, le temps de jeu, les égos. Non, pas Thierry Henry, un peu après Henry. Okay. Son nom m'échappe, là, mais il y avait eu beaucoup, beaucoup d'histoires autour de ce joueur-là en particulier, l'égo dans le vestiaire et tout. Et après l'Euro, on avait reproché aussi à la France, justement, dans la finale, d'être une équipe qui n'avait pas d'âme, qui n'avait pas d'émotion. Puis finalement, quand il est arrivé au moment, tu sais, qu'il fallait qu'il profite du moment, ben, il n'avait pas été capable de faire. Puis dans la Coupe du Monde, jusqu'à maintenant, c'est probablement la meilleure équipe quand tu regardes l'ensemble de l'œuvre. C'est pas surprenant de les voir en finale. Il y a autant des bons jeunes que des joueurs plus expérimentés. Donc, ça risque d'être un bon match. Si la Croatie gagne, ça serait pas surprenant parce qu'on dirait qu'ils trouvent toujours le moyen de gagner depuis quelques jours. Mais j'ai bien hâte de voir. Mais d'après moi, la France, on va peut-être être capable de chercher leur 2e Coupe du Monde maintenant plus tard. Moi, je pense que du côté de la Croatie, on va manquer d'essence. On a joué on a une journée de plus que. On a joué mercredi comparativement à mardi pour la France. Deuxièmement, écoute, ça a pris 3 prolongations. Et ça, quelque part, ils vont manquer d'essence. Là. 3 prolongations ouais. Pour se rendre en finale, et ça peut jouer, évidemment. Mais par contre, ils ont tellement de caractère. C'est ça là-dessus. Ils vont se battre, mais je trouve que le point, tu sais, on l'avait mentionné contre l'Angleterre, que ça ferait la différence, le fait qu'ils avaient joué beaucoup plus. Finalement, c'est les Anglais qui ont été plus passifs dans le match, mais la France, je pense qu'ils leur donneront pas ces chances. Puis ces chances-là. Puis d'autre côté, c'est en général, les joueurs, l'individualité des joueurs est supérieure pas mal dans la France versus ce que l'Angleterre a présenté. Fait que si les joueurs sont en énergie, puis il y a une cohésion, comme tu as parlé tantôt, qu'il y a plus de chimie dans l'équipe de France, s'ils sont capables de jouer le match qu'ils sont capables de jouer, les Français, ils ont vraiment l'avantage sur les Croates pour la finale. Bruno, gros merci. On s'en reparle dans 15 jours, si tu permets, parce que la semaine prochaine, je vais parler avec Mark Griffin, mais dans 2 semaines, c'est parce que c'est la date limite des échanges. Oui. On va être tout prêt. Beaucoup de rumeurs, ça va être intéressant de voir où Manny Machado va s'en aller. Jay Hart, qui a une moyenne de 14,4 à ses 2 derniers départs, lui a besoin de se replacer. George Donaldson, qui n'est même pas revenu encore. Donc, il va y avoir beaucoup de rumeurs. Et Cole Hamels également, qui pourrait partir. Donc, ça va être pas mal intéressant, on va s'en reparler dans 15 jours. Oui, puis je te dis, juste pour conclure là-dessus, ce qui est vraiment décevant avec ce que tu viens de dire, on s'est parlé, les Blue Jays, là, c'était, on se disait, s'ils arrivent autour du match des étoiles, il y a 2 scénarios. Ou ils sont pas très bons, puis ils vont vendre des joueurs. Ou ils sont bons, puis ils vont se donner une chance. Là, ils sont pas très bons, puis les 2 joueurs qui auraient eu plus de valeur, App et Donaldson, ils ont à peu près rien comme valeur sur le marché. Fait que c'est comme le pire scénario pour les partisans des Blue Jays. On va avoir de la misère à se regarder, parce que je vois pas comment qu'un club va donner la lune pour un de ces 2 joueurs-là à ce moment-ci de la saison. Oui, effectivement. Et Vladimir Guerrero revient ce soir dans le A faible, et si tout va bien, va rejoindre probablement les Bisons la semaine prochaine. Donc, les Bisons Buffalo dans le 3A. Lui, on va le voir avant au mois de septembre, normalement à Toronto. Bruno Boudreau, un gros merci, on s'en reparle. Salut, dame. Collaborateur Bruno Boudreau.